J'aimerais que tu me laisses. Oui, j'aimerais que tu me laisses. Que t'arrêtes de rôder autour, ta silhouette de vautour. Savoir dire non à la tentation. J'aimerais que cela cesse. Ton festin sur mes faiblesses. Moi, j'ai hanche ton tout démon. Je te joue de ma raison. Savoir dire non à la tentation. Quand je t'ai rencontré, tu m'as dit je t'aime. Et maintenant j'ai bien vu le piège, tu m'as tendu. Et je me suis défendu, tu ne m'auras plus. J'aimerais que tu me laisses. Oui, j'aimerais que tu me laisses. Que t'arrêtes de me rôder autour. Ta silhouette de vautour. Savoir dire non à la tentation. Moitié ange, moitié démon. Quand je te crois que c'est tellement bon. Les arguments ne font pas de trêve. Je suis le serpent, tu es Ève. Ne me regarde pas dans les yeux. Il n'en restera qu'un de nous deux. Je suis la tentation. Pendant que tu manipules de toutes les manières. J'ai vu les facettes de ton savoir-faire. Oui, ça fait peur, oui, ça fait peur. Le scrupule est parti depuis des heures. Je suis seul face à ton visage. Je tourne mes talons et je reste sage. Non à la tentation. J'aimerais que tu me laisses. Oui, j'aimerais que tu me laisses. Que t'arrêtes de me rôder autour. Ta silhouette de vautour. Savoir dire non à la tentation. J'aimerais que cela cesse. Ton festin sur mes faiblesses. Moitié ange, ton tout démon. Je te joue de ma raison. Savoir dire non à la tentation. Quand je t'ai rencontré, tu m'as dit je t'aime. Et maintenant j'ai bien vu le piège, tu m'as tendu. Et je me suis défendu, tu ne m'auras plus. J'aimerais que tu me laisses. Oui, j'aimerais que tu me laisses. Que t'arrêtes de me rôder autour. Ta silhouette de vautour. Savoir dire non à la tentation. Savoir dire non à la tentation. Savoir dire non à la tentation.